il faut que tu raques. Ouais, sinon qu'à couler on casse un rap. Ce soir je sors, jette mon riz par la fenêtre. Et je sais qu'en faisant ça je fais honte à celle qui m'a fait naître. Ouais, je te dis ça parce que la tare est dans le deal. T'en regardes qu'à ton petit soeur ces jours tu dans le deal. Je pars en freestyle, en flip flop, N'Golo Kanté. Je fais du fric sale, petite taille, je vais les planter. Les petites sales, petites sales, elles veulent les compter. La fiesta, la cesta, bouteille de domper. A la trix-ma, vous allez ramper. Je ferai ma trix-ma, laissez-moi en paix. A la trix-ma, vous allez ramper. Je ferai ma trix-ma, allez décamper. On est parti à la grâce. On est revenu sans nos potes. Chez nous on fait pas de passe. Pour sacrifier le sang des votes. On est parti à la grâce. On est revenu sans nos potes. Chez nous on fait pas de passe. Pour sacrifier le sang des votes. Ouais, tout ça on part à l'acte. Ouais, remonter sous cascaraille. Ouais, nous raconte pas tes salades. Ouais, haraga haraga on zodiac. Ouais, ouais, tout ça on part à l'acte. Ouais, remonter sous cascaraille. Ouais, hier soir c'était carnage, ouais. De 80 Prado carénage, ouais. L'as de pique sans les carrés d'as. Si je le sors frère, tu danses à Macarena, ouais. C'est Youlé, préfet parquet. 10 cas opérationnel pour tous les tacler, ouais. Là tu vois ta miss, elle est claquée. Et tu dois comprendre, on lui sert des paquets, ouais. C'est pas rapé, t'es nulle part ailleurs. Des rappeurs comme on t'en trouvera nulle part ailleurs, ouais. Et là je te baisse, j'ai pas de carrière. Pour retourner les villes de l'autre côté de la barrière. On est sur YouTube, frérot, t'es sur YouPorn. Toi tu fais tout pour et nous on chie sur le trône, ouais. On chie dessus parce qu'on est trop fous. Et c'est après moi que tes clients courent. On est parti à la grâce. On est revenu sans nos potes. Chez nous on fait pas de